Chapitre 25e. Place de Washington, beautés américaines, galerie des beaux-arts, antiques, théâtre, musée. Nos matinées se passaient, comme doivent se passer les matinées de tous les voyageurs, à faire des questions sur ce qu'il y avait à voir et aller voir tout ce qu'on nous indiquait. Il n'existe peut-être aucune ville où l'on puisse le faire avec plus de facilité qu'à Philadelphie. On n'a qu'à suivre une rue droite, et puis en prendre une autre, jusqu'à ce qu'on ait parcouru tous les parallélogrammes. La Banque des États-Unis et celle de la Pennsylvanie sont les édifices les plus remarquables, tous deux fort beaux, de marbre blanc, et construits d'après des modèles grecs. L'extérieur de la maison d'État n'a rien qui la recommande, mais l'appartement qu'on me montra comme celui dans lequel fut signée la déclaration d'indépendance, et où l'estimable Lafayette fut reçu un demi-siècle après avoir versé son noble sang pour l'obtenir, est un local intéressant. À une extrémité de cette chambre est une statue en bois du général Washington, sur la base de laquelle on lit l'inscription suivante « Le premier dans la paix, le premier dans la guerre et le premier dans les cœurs de ses concitoyens. » Il y a un très joli enclos devant l'entrée de la maison d'État dans la rue du Noyer. Les allées en sont bien sablées, et l'on y voit un grand nombre de beaux arbustes à fleurs. Les pelouses y sont en gazon, non en herbe, ce qui est un luxe qu'on voit rarement en Amérique. Près de cet enclos en est un autre à peu près semblable, appelé Place de Washington. Il s'y trouvait une récolte abondante de trèfles. Mais comme les arbres sont nombreux et très beaux, et que plusieurs bancs commodes sont placés sous leur ombre, c'est un abri fort agréable contre la chaleur et la poussière, en dépit des longs brins d'herbe. Ce ne fut pourtant que bien rarement que je vis ces bancs occupés. Les Américains manquent de loisirs pour ces moments de délassement que se permettent, je crois, tous les autres peuples, où ils n'en ont pas le goût. Lors même qu'ils vont boire un verre de liqueur dans un cabaret, ce qui arrive universellement aux riches comme aux pauvres, ils le boivent debout, et excepté à l'église, ils n'ont jamais un air de loisir ou de repos. La jolie place de Washington est entourée de maisons de trois côtés, mais hélas, le quatrième offre une prison. C'est pourtant ce qu'on trouve à Philadelphie qui approche le plus d'un square de Londres. Un soir, tandis que mes autres compagnons allaient voir quelques curiosités que je connaissais déjà, je convins d'attendre le retour dans cette place et je m'assis sous un magnifique catalpa dont toutes les branches étaient chargées de fleurs parfumées. L'autre bout du banc était occupé par une jeune dame qui surveillait les jeux folâtres d'un enfant. Il y avait dans sa manière de me regarder et d'échanger un sourire avec moi, quand l'objet de ses soins faisait sous le gazon quelque exploit d'agilité extraordinaire, un je ne sais quoi qui me persuada qu'elle n'était pas américaine. Je ne me souviens pas de qui de nous deux parla la première, mais nous fûmes bientôt en pleine conversation. Elle parlait anglais correctement et avec élégance, mais elle était allemande, et ce fut avec une ardeur de sensibilité qui lui donnait décidément un air étranger à Philadelphie qu'elle me parla de son pays, de tout ce qu'elle avait quitté, de tout ce qu'elle avait trouvé, ou plutôt, de tout ce qu'elle n'avait pas trouvé. Voici comment elle se plaignait. « Ils n'aiment pas la musique ici, oh non. Ils ne s'amusent jamais, non. Et leurs cœurs sont froids, du moins ils le semblent aux étrangers. Ils n'ont nul repos, nul oubli des affaires et des soucis. Non, pas un instant. Ah, je crois que je ne resterai pas longtemps ici. Je ne pourrais y vivre. » Elle me dit qu'elle avait un frère établi en ce pays comme commerçant et qu'elle avait passé un an avec lui, mais elle espérait retourner bientôt dans son pays natal. Je n'ai jamais senti si fortement la vérité de la remarque que l'expression est l'âme de la beauté qu'en regardant et en écoutant cette jeune Allemande. Elle n'était rien moins que belle. Il est vrai qu'elle avait de grands yeux exprimant la douceur, mais tous ses traits étaient irréguliers. Eh bien, cependant, le charme de ce sourire, de cet air de sensibilité qui animait toute sa physionomie tandis qu'elle me parlait de son Allemagne, le son de sa voix, les gestes simples et gracieux qui accompagnaient ses discours, tout cela me parut si attrayant que la demi-heure que je passais avec elle se représentait continuellement à ma mémoire. Je m'étais souvent reproché d'avoir une sorte de préjugé contre les belles américaines, mais cette demi-heure mit ma conscience en repos. Ce n'est pas le préjugé qui fait sentir que la régularité des traits ne suffit pas pour intéresser, ni même pour plaire, au-delà du premier coup d'œil. Je crois certainement que les femmes d'Amérique sont les plus belles du monde, mais je crois aussi fermement qu'elles en sont les moins attrayantes. Nous allâmes voir la 19e exposition annuelle de l'Académie des Beaux-Arts de la Pennsylvanie. Le nombre des objets exposés à la vue était de 431, et ils étaient arrangés de manière à remplir trois assez grandes salles et une plus petite nommée la chambre du directeur. Environ 30 gravures en faisaient partie, et il s'y trouvait une quantité beaucoup plus considérable de dessins à l'aquarelle. Environ 70 avaient le PA, académicien de Pennsylvanie, à la suite du nom de l'artiste. Le principal tableau d'histoire était un sujet tiré de l'écriture, par M. Washington Alston. On en parle comme d'un artiste de grand mérite, et l'on m'a dit que sa manière s'était beaucoup améliorée depuis qu'il avait peint ce tableau, qui porte la date de 1813. Je crois que ce fut pour ce tableau que M. Alston reçut un prix à la Galerie britannique. Il y avait le portrait d'une dame, désignée dans le catalogue sous le nom de la Plume Blanche, et qui passait pour le plus beau de l'exposition. On assure que l'artiste, M. Ingham, occupe un rang distingué parmi les peintres de portraits américains. Ce portrait est du plus grand fini, surtout la draperie, qui est peinte avec le soin le plus minutieux, même jusqu'au poil du velours. Les jours sont ménagés à peu près à la manière de Good, mais le dessin est très défectueux, et les contours, quoique la figure soit jolie, sont durs et pèchent par les chairs. D'après toutes les conversations sur la peinture que j'ai entendues en Amérique, j'ai reconnu que le fini des draperies y était considéré comme le comble de l'excellence, et ensuite la ressemblance dans un portrait. Je ne me souviens pas d'avoir jamais entendu les mots « dessin » ou « composition » employés dans aucune conversation sur ce sujet. Galerie des Antiques. La porte en était ouverte, mais il se trouvait dans l'intérieur un écran qui empêchait de voir du dehors rien de ce qui se trouvait dans la salle. Comme je m'arrêtais pour lire cette inscription, une vieille femme, qui semblait remplir les fonctions de gardienne de la galerie, s'approcha de moi d'un air affairé et me dit d'un ton mystérieux « Maintenant, madame, maintenant, c'est juste le moment. Personne ne peut vous voir. Dépêchez-vous. » Je la regardai avec une véritable surprise et, dégageant mon bras, qu'elle avait pris probablement pour accélérer mes mouvements, je lui demandai très gravement ce qu'elle voulait dire. « Seulement, madame, que les dames aiment aller toutes seules dans cette salle quand il n'y a point de messieurs pour les examiner. » En entrant dans cette galerie mystérieuse, la première chose que je remarquai fut une affiche écrite à la main, recommandant de ne pas commettre l'acte de dépravation dégoûtante qui avait porté quelques individus à déshonorer les statues en y traçant les signes les plus indécents et les plus honteux. La cause de cette abomination a été sans contredit la coutume grossière qui oblige les hommes et les femmes à faire alternativement leur visite à cette galerie. Et si elle était fréquentée par des groupes mélangés des deux sexes, on cesserait bientôt d'avoir à la déplorer. Jusqu'à ce que l'Amérique ait atteint un degré de civilisation qui le permette, la galerie des Antiques devrait être entièrement interdite aux dames. Je n'ai jamais senti ma délicatesse blessée au Louvre, mais j'étais violemment tenté de regarder comme un affront l'avis qu'on m'avait donné que je pouvais jeter un coup d'œil à la dérobée sur ce qui était considéré comme indécent. Les arrangements faits pour cette exposition, le sentiment qui a présidé et les effets qui en ont résulté sont peut-être un des meilleurs échantillons qu'on puisse trouver du genre de délicatesse dont les Américains se piquent et des bizarreries qui en sont la suite. Cette galerie contient environ 50 statues, la plupart d'après l'antique. Dans la chambre du directeur, je m'amusais beaucoup du moyen qu'un poète avait pris pour faire connaître ses ouvrages, ou plutôt son ouvrage. Son portrait était suspendu et sur un papier attaché au cadre, on lisait ce qui suit, « Portrait de l'auteur », de la Fredoniade ou l'indépendance conservée, poème politique, moral et militaire, sur la guerre de 1812, en 40 chants, le tout resserré en 4 volumes, chacun contenant l'un dans l'autre plus de 305 pages, par Richard Emmons, M.D. J'allais au théâtre de la rue du Châtaignier pour voir M. Booth, ci-devant artiste du théâtre de Drury Lane, dans le rôle du roi Lear, et une Mrs. Duff dans celui de Cordelia. Mais j'ai vu trop de Lear et de Cordelia pour être aisément satisfaite, et en somme, je trouvais le spectacle fort mauvais. La salle est d'une grandeur convenable, et elle est joliment décorée. ce n'était pas la saison à la mode pour fréquenter les spectacles, et c'est sans doute pour cette raison que la compagnie qui se trouvait dans les loges n'était rien moins qu'élégante, et l'on ne se gênait en aucune manière. Je vis dans une des premières loges un homme ôter son habit avec le plus grand sang-froid, pour être plus fraîchement, en n'ayant sur les bras que les manches de sa chemise. Tous les hommes avaient le chapeau sur la tête et l'on crachait sans discontinuer. Un autre soir, nous allâmes au théâtre de la rue du Noyer. Ce qui attirait principalement la foule en cette occasion, c'était qu'on devait y voir un jeune homme, qui s'était préalablement montré au public comme un squelette vivant, jouer le rôle de Jeremy Thin. Il y convenait certainement à ravir, mais je crois que là doivent se borner les louanges à donner au spectacle de cette soirée. Le grand contraste, le contraste frappant entre cette ville et celle d'Europe, se fait apercevoir après le coucher du soleil. À peine un seul son s'y fait-il entendre, à peine une voix ou une rue interrompt-elle le silence général. Les rues sont plongées dans les ténèbres, et l'on n'y voit d'autre lumière qu'une lampe à la porte de quelques hôtels ou autres maisons du même genre. Toutes les boutiques sont fermées à l'exception de celles des apothicaires et d'un petit nombre de traiteurs. À peine entend-on le bruit d'un pas, et quant à une note de musique ou à un son indiquant la gaieté, c'est en vain que j'ai cherché à en entendre. En sortant du spectacle, ce que je faisais toujours avant la seconde pièce, je ne vis jamais une seule voiture. Le soir où Miss Wright prononça son discours d'adieu, je restai jusqu'à la fin et j'en vis une. Cette obscurité si profonde, ce silence si complet, allait presque jusqu'à m'inspirer une sorte de terreur. Comme nous revenions un soir, par un beau clair de lune, du théâtre de la rue du Châtaignier, nous nous arrêtâmes un instant devant la Banque des États-Unis pour regarder ses colonnes de marbre blanc, sous le demi-jour qu'on dit leur être si avantageux. Et il est vrai que l'édifice y gagnait en beauté. Les objets disparates qui l'entourent étaient à peine visibles, et la blancheur éclatante du bâtiment qui éblouit en plein jour permettait aux yeux de s'y reposer sous cette clarté plus douce et moins vive. Tandis que nous étions arrêtés devant ce temple moderne de Thésée, nous remarquâmes que nous semblions les seuls habitants vivants de cette grande cité. Il était 10 heures, la soirée était fraîche et agréable, et elle avait succédé un jour d'une chaleur brûlante. Cependant, tout était silence autour de nous. Regent Street, Bond Street, avec leurs bijoux éclairés par le gaz et surtout le boulevard italien à Paris, se représentèrent par le contraste à notre souvenir. La lumière qui surpasse celle du jour, une foule élégante, pleine de grâce et de gaieté, les beaux salons de Tortoni avec toute leur variété de nectar, rien ne fut oublié. Est-ce un préjugé européen que de croire que le petit verre de liqueur spiritueuse que les hommes vont boire solitairement en sortant du spectacle en Amérique indique des mœurs plus basses et plus vicieuses que les glaces qu'on offre aux dames avec tant de soin et d'attention quand elles quittent un théâtre en France? Le musée contient une bonne collection d'objets d'histoire naturelle et quelques échantillons intéressants d'antiquités indiennes. Ici et à Cincinnati, j'ai vu tant de choses qui ressemblaient à des antiquités égyptiennes que je voudrais confier sur l'origine des nations indiennes des recherches plus exactes que celles qui ont eu lieu jusqu'à présent. Les boutiques, dont le nombre me paraît extraordinairement considérable, sont fort belles, et la plupart sont décorées avec une élégance européenne. Il s'y trouve un grand nombre de bureaux de loterie, et l'on porte fort loin la rage de cette espèce de jeu. J'ai vu moins de voitures à Philadelphie qu'à Baltimore et à Washington, mais on m'assure que pendant l'hiver, il y en a un plus grand nombre. La plupart des familles les plus distinguées avaient quitté la ville pour aller aux zoos de différents côtés et chaque jour en voyaient partir d'autres. Long Branch est un rendez-vous à la mode pour les bains de mer sur la côte de Jersey et beaucoup de personnes s'y rendent, tant d'ici que de New York. La description qu'on m'a faite de la manière de prendre ces bains m'a paru assez extraordinaire, mais elle m'a été confirmée par tant de bouches différentes que je ne puis douter qu'elle ne soit exacte. Le rivage, à ce qu'il paraît, est trop escarpé pour que les petites voitures dont se servent ordinairement les baigneurs puissent y descendre. Les dames ont donc recours à un autre moyen pour se procurer la jouissance d'un bain de mer sans danger. On ne trouve guère à se loger à Long Branch que dans de grandes maisons garnies où toute la compagnie dîne à table d'hôte. En y arrivant, et la première fois qu'on se met à table, il est d'usage que les dames choisissent, parmi les hommes mariés qui font partie de la compagnie, celui que leur fantaisie les porte à prendre pour protecteur dans les visites qu'elles ont dessein de faire dans l'empire de Neptune. La demande se fait, et elle est toujours accueillie de la meilleure grâce. Mais pour que l'arrangement soit complet, il faut qu'une autre belle fasse choix du même protecteur, l'usage n'autorisant pas une immersion tête à tête.